Alongside Jimmy Sissoko, alongside LS, avec l'Arco City, on a des jump back dead tonight, yo. Paraît que tu rappes depuis 10 ans, soit disant plus la nuit des temps. Pour avoir tué des gens, t'as fait à peine 16 ans, trop puissant. Pour un mec, quand même pas 20 ans, mais je comprends. Schizophrène dans son élément, j'dirais même touchant. Ton œuvre, ça se ressent que du sang. Dans tes textes, tes complexes, de sexe, t'es l'épaisse. On conteste, tu retires ta veste, là tu laisses. Le monde qui t'admire bien dépêche. Hey, on dit que tu brasses trop, pèse trop, mène la vie d'un escroc. Faut prendre tes affaires dans la rue quand le showbiz te stresse trop. T'as ce qu'il faut, cash flow, bijoux en escroc. T'es mytho, principaux, vol, deal de popo, c'est chaud. Monsieur la superstar du ghetto, connu dans tous les clubs et devant nous se fait pesto. Pareil, tu me fréquentes que les endroits chics, les bêtes de resto. Mais y'a deux ou trois jours, j't'ai vu faire la queue dans un McDo. Suicide mission, pour les good vibes on est the murderer. Murderer. Suicide mission, big up à tous les MC murderer. Murderer. Suicide mission, shut up Oscar, we are murderer. Avec ta surance, tu verras pour mon voiture sur des sièges durs. Ta tête bat la mesure, tes basses saturent. Tu passes à basse allure, quand les basses entre-gardent, ton égo se rassure. Tu bosses dur, tu taffes dur, tu cries dur. Mission suicide. C'est pas déchiré. J'imagine que tu, devant nos clips vidéo, la meuf est là, c'est que tu la sers sur des sons Coolio. Bat stéréo, dérivé du ghetto. Se dit vrai fort, il est paumé dans les fesses, n'est qu'un stéréo. Tip, devant tes clips, je flippe. T'as même été jusqu'à louer des meufs, il se balade dans slip. Snoop Dogg est down. Paraît que tu vis West Coast. T'aurais même été jusqu'à ça fait ton beat en la corde. T'as fait des morceaux hardcore, à la vie, à la mort. Mais ne compte pas sur nous si un jour ton disque d'or. Suicide mission, group on the big boss avec un murderer. Homicide mission, pour les good vibes on est the murderer. Suicide mission, big up à tous les MC murderer. Suicide mission, shut up Oscar, we are murderer. Why you back at them? Why you back at them? L'Arco City, je reviens qu'il a ton pan. Sur le match, tu es un vrai gunman. J'fuck le beat, façon Kung Fu comme Jackie Chan. Avec de son taille, de bon skaya. La bonne taille, on aimait tous taille. Respect taille, OMC sans fire. Dès que j'suis taille, j'reviens foutre le fire. Kill, suicide mission. Coupe le big boss avec un murderer. Kill, homicide mission. Pour les good vibes, on est des murderer. Kill, suicide mission. Big up à tous les MC murderer. Suicide mission. Shut up Oscar, we are murderer. Suicide mission. Coupe le big boss avec un murderer. Homicide mission. Pour les good vibes, on est des murderer. Suicide mission. Big up à tous les MC murderer. Suicide mission. Shut up Oscar, we are murderer. Mission suicide avec leur co. Murderer LS alongside Jimmy Sissoko.